Alors, ben, nous allons rencontrer dans le cœur de la séance d'aujourd'hui. Et je vais commencer par présenter brièvement nos invités et vous expliquer peut-être aussi la thématique retenue pour cette séance d'aujourd'hui. Nous pensions, enfin nous partons du principe que l'histoire de la vidéo est extrêmement lacunaire concernant les actions vidéo, les collectifs vidéo qui se sont développés à partir de la province. Donc, pour être clair tout de suite, il ne s'agira absolument pas dans le cadre de cette séance de s'intéresser à des collectifs qui se seraient centrés sur des luttes régionalistes. Là, ce n'est pas le cœur du sujet, mais plutôt de s'intéresser à des collectifs qui étaient basés en région, c'est-à-dire, pour une fois, de ne pas simplement s'intéresser à des collectifs qui travaillaient à partir de Paris et de sa région, qui sont, dont l'histoire déjà est peu connue, mais qui reste quand même l'essentiel dont on parle quand il s'agit d'histoire de la vidéo. Les collectifs évoqués il y a donc un mois, enfin en décembre dernier, étaient des collectifs parisiens, et nous avions la volonté donc de nous intéresser à d'autres expériences menées simultanément donc à Aix-en-Provence, à Marseille, Lyon et Toulouse, et dont l'histoire à ce jour est encore plus méconnue, encore plus occultée donc que celle des collectifs parisiens. Outre les personnes donc, que nous allons vous présenter aujourd'hui, on aurait pu accueillir, mais nous ne les avons pas forcément tous retrouvés, d'autres réalisateurs et militants qui ont mené des actions vidéo, créé des collectifs vidéo en province. Nous pourrions citer par exemple, et qui sont très peu connus, donc qu'on trouve référencés finalement dans Cinémaction, et notamment le Cinémaction consacré au cinéma des régions. On aurait pu citer aussi Action Vidéo à Sartrouville, Contraste à Rennes, avec qui nous sommes en contact et que nous espérons par ailleurs accueillir dans d'autres séances. Les Vidéoteuses à Montpellier, un collectif de vidéos féministes basé à Montpellier. Vidéo Speed à Mons-en-Barœul ou encore Image au Point à Strasbourg. Mais aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir d'écouter Marie-Thérèse Martinelli pour évoquer l'expérience de vidéo 0031, donc créé à Toulouse en 1974, vous nous expliquerez évidemment ce dont il s'agit tout à l'heure, et qui est, si j'ose dire, un petit frère ou peut-être une petite sœur de Vidéo 00, collectif auquel vous-même vous avez participé, donc en l'occurrence à Paris, dès 1971, et dont Yvonne Mignot-Lefebvre et Michel Lefebvre nous ont présenté les actions en décembre dernier. Nous aurons le plaisir d'écouter aussi Anne-Marie Martin pour ADP, l'association de diffusion populaire, créée à Lyon. Alors en fait, vous nous rappellerez quelles sont les dates précises, mais créée plutôt donc en 1977, mais dont l'action était en parallèle avec une SARL, vous détaillerez cela, qui s'appelait Vidéo Lyon et qui était créée dès 1975 et dont les chemins étaient tout à fait parallèles et en fait même, pourrait-on dire, croisée. Et donc c'était à Lyon, et une expérience en l'occurrence qui a duré environ, enfin on va travailler sur la période qui a duré environ 5 ans jusqu'à la fin des années 70. Et puis Hélène Liult et Jean-Luc Liult. Hélène Liult, donc à la gauche de Marie-Thérèse Martinelli, pour RL Vidéo, créée à Aix-en-Provence, en 1977-1978, je vous raconterai évidemment les choses précisément dans un second temps, et Jean-Luc Liult pour Vidéo 13, qui était basé à Aix-en-Provence, mais qui avait aussi une antenne à Marseille et à La Ciotat, créé en novembre 1976, si je ne m'abuse, et tu nous parleras aussi donc, de Clivage, donc un troisième collectif créé à Aix-en-Provence en 1978-1979. Hélène ayant la particularité de participer aux trois collectifs et moi à deux seulement. Oui, pardon, c'est vrai que j'ai commencé par te présenter par RL Vidéo, le collectif féministe, mais là j'avoue, je dois reconnaître mon petit travers sur la question. Donc l'enjeu de cette séance est double. Il s'agira de vous poser finalement les mêmes questions que l'on a posé lors de la dernière séance au collectif parisiens qui étaient invités, à savoir quelles étaient l'origine et le fonctionnement du groupe, la trajectoire collective, vos trajectoires aussi individuelles, notamment militantes, le rapport au cinéma, vos terrains d'intervention, etc., la diffusion des bandes, des questions qui maintenant finissent par être assez classiques dans le cadre de ce séminaire, mais aussi de vous poser, de soulever finalement la question du rapport au territoire. Est-ce que vous, vous envisagiez votre travail comme ayant un ancrage local ou régional pour vos collectifs, qu'il s'agisse donc de leur composition, ou bien, et ou, je dirais, de leur périmètre d'action et de la conception même des bandes que vous avez pu produire au sein de ces collectifs.